Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, suspense et action. Walter Garber est aiguilleur du métro de New York. Comme chaque jour, il veille au bon déroulement du trafic. Lorsque tout à coup, la rame Pelham 123 s'immobilise soudainement sans explication. Ryder, un criminel aussi intelligent qu'audacieux, a pris en otage la rame et ses passagers. Ouvre la porte et fais-le maintenant ou je te tue. Centre de contrôle, appel arme 123. Pourquoi vous êtes à l'arrêt 123? Tous les feux sont ouverts. Centre de contrôle, vous me recevez? Qui est en ligne? C'est le type qui va obliger cette ville à cracher son fric. Vous pouvez me dire quel est le cours officiel de l'otage new-yorkais ce matin? 1 million par tête, vous trouvez que c'est trop? J'aiguille des trains, je suis pas négociateur. Oh, je pense que vous ferez très bien l'affaire. Dans 59 minutes, je commence à tuer des voyageurs. Vous comptez payer? C'est simple maintenant. Ils n'ont plus qu'à faire ce que je leur dis. Appelez tout de suite le maire. Quelqu'un vient de braquer le Pelham 123. Vous croyez que c'est simplement le hasard, vous et moi? Je suis juste un gars, le gars à l'autre bout de la ligne. Tu sais que t'adore, mec. T'as peut-être le dernier ami que j'aurai jamais. Comment vous allez emmener l'argent là-bas? Ils bloquent tous les carrefours entre ici et Brooklyn. Votre argent est en route. Les flics vont descendre dans le tunnel. Qu'ils vident leur charge en sous-bas. L'attaque du métro 123. Un film de Tony Scott avec Denzel Washington et John Travolta. Un DVD SPHE.